ghetto, ghetto rockstar. Original Bunker Bros. Home style. DVS, ok. Tu veux que je te parle de quoi, merde? À part de mes peurs et mes coups de gueule. Avec le temps pour moi, la solitude a comme un good gun. J'essaye d'y voir clair avant que le brouillard s'étende. J'suis loin à la détente, j'ai sorti qu'un album en 7 ans. Ouvert d'esprit, j'suis pas le gars enfermé dans son trip. Même si j'ai pas le sourire, crois pas que j'aime écrire des chansons tristes. À 8 mesures, piste dans lequel mes fautes surgissent. L'argent tombe pas du ciel, donc rends pas les vos sermons sur le shit. C'est cette amertume qui favorise les changements. J'me tombe vers mes démons, c'est le désespoir qui fait que les anges mentent. J'ai mal au cœur et j'te dirai pas ça dans 20 000 sons. J'essaie juste de comprendre. Avant que cette vie me foute en fait de mission. Un mal de crâne, mais c'est pas à cause du soleil qui tape. Le diable est bénévole, donc va pas croire que c'est pour le sec qui taffe. Je vois les yeux se baisser aussi vite que le 16 avance. Apprendre de ses erreurs, faut vraiment pas croire que c'est savant. Like spies from China try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. Mais ça m'a dit de positiver, même si c'est pas dans mes habitudes. J'ai trop baissé la tête, la motive part quand on a le bitume. On perd le nord, donc on avance toujours sans boussole. Dehors ça caille, je veux pas finir dans Paname sur un bout de sol. La vie c'est speed, les aiguilles tournent, faut encore cavaler. Tente pas un coup de poker, si dans ta manche t'as pas les quatre vallées, je veux m'arracher. Pour ça je balance des CD, me saoulez pas. Vu que l'ambition se fait rare, j'ai vu trop de rêves décédés sous les balles. La galère tue dans mes selles, il règne un sentiment de meurtre. Je suis sur le terrain comme un 49ers. Parano, ce truc pour faire ce qu'il instinct des keufs. Quand je reste dehors dans le froid, c'est pas pour gagner la Stanley Cup. Je me sens seul, la nuit je commence à voir des fantômes. Je supporte ma solitude, c'est la lenteur du temps qui me fend le dos. Mes rêves sont morts, Morphée s'endort quand l'heure du whisky sonne. J'espère en sachant que l'espoir se frappe à la prépa à Wilkinson. Ouais, j'espère en sachant que l'espoir se frappe à la prépa à Wilkinson. Keto Keto Rockstar. Je viens pour péter le score. Je suis resté trop longtemps sur le banc. T'as jamais vu ma tête, on dit de moi que j'ai la rime qui surprend. Mais sonne le sait que l'instru je vais la suspendre. La démarche authentique, j'écris plus pour que ma banlieue de bande. On fait les choses carrées, un max pour que ça tourne. Ma ville est morte, y'a un saut mort de son corps dans chaque tour. En déficit, putain la nuit faut que je me repose. Je sais ce que c'est que le temps vu qu'ici 10 gars sur 10 meurent pauvres. Je sais ce que c'est que le temps vu qu'ici 10 gars sur 10 meurent pauvres. On sait ce que c'est que le temps vu qu'ici 10 gars sur 10 meurent pauvres. Tu sais ce que c'est que le temps vu qu'ici 10 gars sur 10 meurent pauvres.